Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le métro de Montréal. Monsieur le Président, maintenant que le compresseur a alimenté la sirène, je vous invite à appeler les ouvriers au travail à l'heure très précise de 8 heures. Le maire de Montréal, Jean Drapeau, le jour de l'inauguration des travaux de construction du métro, le 23 mai 1962. Ce jour-là, les élus montréalais réalisent un rêve vieux de 50 ans, donner un métro à leur ville. Jean Drapeau sera, avec quelques autres, parmi les principaux bâtisseurs de ce nouveau métro qui, aujourd'hui encore, fait la fierté des Montréalais. La Ville de Montréal a obtenu aujourd'hui, en principe, le pouvoir de construire seul le métro à l'intérieur de ses limites. Après une longue discussion avec les représentants des municipalités de banlieue, il fut accepté que Montréal aura le pouvoir de construire seul le métro, et quant à la partie de ce métro qui traversera le territoire de Westmount, les autorités de cette municipalité seront appelées à ratifier les plans. Vous avez affirmé hier catégoriquement, Monsieur le maire, qu'il n'y aurait pas de hausse de taxes générales à Montréal pour payer le métro. C'est un engagement que j'ai contracté au cours de la campagne électorale envers les électeurs, et conscient de la force de cet engagement-là, je me suis appliqué, dès mon arrivée à l'Hôtel de Ville, à travailler à la solution financière du problème du métro, et je continue d'avoir beaucoup d'espoir de réaliser cette promesse que j'ai contractée devant l'électorat, que j'ai renouvelée devant les membres du comité des villes privées, et j'ai raison de croire que nous allons réussir à mettre au point une formule financière qui va nous permettre d'avoir le métro sans aucune augmentation de taxes. Jean Drapeau, le maire de Montréal, à l'émission Métro Magazine le 26 janvier 1961, le jour où Montréal reçoit le feu vert du gouvernement pour la construction de son métro. Pour nous raconter cette formidable aventure du métro de Montréal, je reçois l'historien Benoît Leroux, conseiller en affaires publiques à la Société des transports de Montréal, auteur des livres Le métro de Montréal, 35 ans déjà, publié aux éditions Urtubise en 2001, et Raconte-moi le métro de Montréal, publié aux éditions Petit Homme en 2016. Benoît Leroux, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Pour la petite histoire, Benoît Leroux, tout de suite, une précision. Est-ce que le maire Drapeau va pouvoir réaliser son métro sans augmenter les taxes? Oui et non. C'est jamais si simple. C'est jamais simple, et évidemment, on peut jouer sur les mots longtemps. C'est vrai, bon, que Montréal avait enfin les moyens de se payer ce métro-là. Mais maintenant, bon, on saura par la suite là, que les autres villes de l'île de Montréal, ce qu'on appelait à l'époque la Corporation de Montréal métropolitain, seront également invitées à payer leur part, ce qui était juste, mm-hmm. mais bon... Montréal seul pas, n'y serait pas arrivé. Là, il aurait fallu toucher le compte de taxe des citoyens. Peut-être, et on a parlé aussi par la suite de la fameuse taxe volontaire, oui. Qui est venue pas longtemps après, donc... Qui était la première aussi, loto, en oui, fait, ce exactement. Qui va déboucher éventuellement sur l'Auto-Québec. Tout à fait. C'est Drapeau qui a cette idée-là. Exact. Donc, ça vient là, pas très longtemps après l'ouverture du métro. Donc, tout ça mis ensemble, bon, est-ce qu'il a menti, est-ce qu'il a dit la vérité à l'époque? Enfin, je laisse peut-être à d'autres gens ouais. La réponse, le soin c'est de... oui et non. Oui et non. C'est selon. C'est pas mal toujours ça, la réponse, d'ailleurs. Exactement. L'important, ça change pas en politique. Ouais. L'important, c'est qu'on a un métro dont on est encore fier aujourd'hui. Vous, d'ailleurs, votre propre histoire, vous travaillez à l'STM depuis 14 ans, mais avant même, bien avant d'être à l'STM, vous êtes, à un moment donné, jeune gamin, tombé amoureux de ce métro-là. Parlez-moi quand même un petit peu, parce que c'est particulier, de cette histoire, de cette passion, de cette histoire d'amour que vous avez eue et que vous avez encore vous-même avec le métro de Montréal. Ça commence quand? Puis pourquoi vous l'aimez tant, ce métro? Ben, ça commence en 80, lors d'une visite à Montréal. À l'époque, notre famille habitait à Québec, quoique j'ai des racines montréalaises. Et voilà, donc, première visite dans le métro, et c'est le coup de foudre. Bon, c'est toujours un peu dur à expliquer, les coups de foudre, mais bon, c'est un peu un mélange de tout, technologie, architecture, œuvre d'art et tout ça. Parce que le métro de Montréal, il a plusieurs facettes, là. C'est pas seulement un simple ou, si on veut, un mode de transport conçu uniquement par des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des artistes, il y a toutes sortes de gens là, qui ont contribué. C'est dès le départ, puis on va y revenir, mais on voulait ça, on voulait fait, que ce métro-là soit beau. Et ben, c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a conquis. Et bon, évidemment, à chaque visite par la suite à Montréal, il fallait bien sûr que je voie d'autres stations. Il faut dire que c'est impressionnant. Puis je pense que les auditeurs qui sont à l'écoute vont s'identifier. Quand la première fois qu'on prend le métro, surtout si on le prend jeune, il y a quelque chose d'impressionnant à prendre le métro, c'est certain. Revenons à l'histoire officielle de ce métro-là. Quand est-ce qu'on commence, Benoît Leroux, à parler même juste de l'idée d'un métro pour Montréal? Ça débute au début des années 1900. C'est à peu près la même période aussi que les premiers métros vont apparaître en Amérique du Nord. New York, là, qui, bon, longtemps, un genre de métro aérien là, qui va commencer à construire du souterrain. Philadelphie, Boston, qui a déjà depuis quelques années un réseau de tunnels. Boston, justement, c'est un bon exemple. C'était à l'époque, les premiers tunnels, c'était pour les tramways. Et c'est un peu ce qu'on va vouloir construire à Montréal à partir des années 1910-1911. C'est là qu'il va y avoir les premiers projets là, un peu plus précis sur papier. Donc, il s'agit de construire des tunnels pour les lignes les plus achalandées au centre-ville de l'époque. Là, et c'est des compagnies privées à l'époque qui exploitent le tramway, c'est ça? Oui, ben, ce sont des compagnies privées. Et en 1911, justement, tout ça là, est fusionné pour devenir la Montreal Tramways Company. Et bon, c'est cette entreprise-là, donc, qui, dans les faits, serait en charge d'exploiter ce réseau-là. Ouais. Mais il va se passer, évidemment, toutes sortes de choses. Deux guerres mondiales, on doit le rappeler toujours. Il va aussi y avoir la crise économique qui va frapper durement Montréal. Et qui va ralentir, qui va en fait interrompre. Qui ralentit énormément, puis... Cela dit, ça aurait pu être un excellent projet, là, justement, durant la crise, mais il y aura d'autres projets qui seront réalisés à Montréal. Ouais. Donc, mais quand même, Toronto nous devance. Un métro à Toronto en 54, Montréal en 66. Je le dis avec ce ton-là parce qu'on l'oublie, mais à l'époque, c'est Montréal, la métropole du Canada. Comment on explique ce retard-là? Ben, j'ai quasiment envie de vous dire, c'est ce jour-là que Toronto devient la métropole du Canada. Évidemment, il y aura d'autres facteurs et c'est un mouvement là, qui a débuté bien avant et qui se concrétise durant ces années-là. Une des raisons, ben, autre le fait que bon, Toronto est une ville de plus en plus riche là, que Montréal, un autre facteur important, c'est qu'à Toronto, depuis longtemps, on a municipalisé les transports publics. Oui. Donc, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, pour une ville de construire un métro quand c'est elle qui l'exploite par la suite, au lieu de le remettre gracieusement à une entreprise privée qui, dans le fond, est là pour essentiellement faire des profits. Ouais. Donc, le fameux métro, celui qui existe, il va naître au tournant des années 60. Dans quelles circonstances naît ce projet qui sera finalement le bon? Oui, ben il y avait eu effectivement d'autres projets auparavant. 44, c'était encore la Montreal Tramways et bon, le fruit n'était pas mûr. 53, il y a eu là, la municipalisation quelques années auparavant du transport à Montréal, transport collectif. Donc, c'est la Commission de transport de Montréal qui croyait bien avoir établi le projet parfait de métro, à tout le moins le réseau initial du métro à l'époque, dans les années 50-53. Mais ça ne passe pas. Il y a encore là, des réticences, il y a encore des gens, beaucoup, là, qui pensent là, qu'on peut régler le problème, entre guillemets, du trafic là, d'autres façons qu'avec un métro. Le maire Drapeau, d'ailleurs, fait partie de ce groupe à cette époque. Ça va changer par la suite. Et donc, qu'est-ce qui change donc et à quel moment? Parce qu'il va être un des piliers, Jean Drapeau, de la réalisation de ce métro-là. Tout à fait. Bien, ce qui va changer, c'est pas seulement Montréal, c'est dans le fond, c'est tout le Québec qui change à ce moment-là. Ça fait partie de la Révolution tranquille. C'est difficile de séparer. Oui, exactement. C'est difficile de séparer le métro de tout ça. Au contraire, je pense qu'il faut l'intégrer dans ce vaste mouvement. Et ça devient pour Drapeau et pour Saunier, qui sera son bras droit au comité exécutif de Montréal, c'est un projet politique, là. Ils vont carrément faire campagne, corrigez-moi là-dessus, sur le métro de Montréal. Tout à fait. En fait, c'est Lucien Saunier qui va exiger que ce projet-là soit réalisé. Ou soit mise en branle là, dans les premières années de ce mandat. Donc, oui, c'est l'équipe Drapeau-Saulnier qui, dans le fond, là, va donner le coup là, qui manquait pour ce grand projet-là. Il y a quelques figures importantes, celle de Jean Drapeau, celle de Lucien Saulnier, celle de Lucien Lallier, qui est le premier ingénieur en chef. Comment on départage? Quel mérite revient à qui dans cette affaire-là? Mm-hmm. À l'idée, la grande idée, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est Lucien Saulnier qui va convaincre le maire Drapeau. Et c'est d'ailleurs arrivé plusieurs fois dans la carrière de M. Drapeau que ce n'était pas lui qui avait l'idée au départ. Sauf que quand l'idée était en voie de réalisation, ben il était tellement enthousiaste, ouais, et il mettait toutes ses énergies que, dans le fond, pour le public, ben, ça devenait l'idée du maître. Il s'appropriait le maître. Oui, ben, sans vouloir. C'était pas nécessairement de façon méchante, là, mais il croyait beaucoup. D'ailleurs, il va être présent sur le pendant la construction. Oui, il visite le chantier. Ouais. Souvent son métro. Il donne ses directives et tout ça, mais Lucien Saulnier aussi, là, il suit le dossier de extrêmement près. Donc, c'est une équipe, Drapeau-Saulnier, un tandem magnifique d'ailleurs. On n'a jamais vu ça avant et après à Montréal. Donc, ouais, les deux méritent beaucoup là, dans tout ça. On a parlé de la beauté du métro, la dimension artistique, architecturale. Parlons-en de la vision dès le départ, de ce qu'on veut se donner comme métro. D'abord là-dessus, il y a une particularité déjà assez singulière. Toutes les stations de métro sont dessinées, conçues par un architecte différent. C'est là déjà ça, donc on veut que ce métro-là soit beau, qu'il y ait une dimension architecturale, artistique présente dans le projet. Oui, parce que si on revient aux années 50, ce que la commission de transport voulait construire comme métro, ça aurait été un métro à peu près identique à celui de Toronto, ouais, qui fonctionne très bien, là, ce n'est pas la question, mais bon, mettons que les stations se ressemblent un peu. Sauf que, bon, dans les années 60, les données ont changé. Ce n'est plus la commission qui construit le métro, c'est la ville. Donc, la ville planifie, finance et construit son réseau. Donc, c'est très rare qu'on va avoir, là, justement, là, autant de pouvoir, et les choses sont très simples. Et Dieu merci, ou enfin, c'est une bonne chose, c'est qu'il y a des gens à la ville qui ont une vision, mm-hmm, notamment à l'urbanisme, Claude Robillard, qui, justement, là, avec l'aide de Guy Legault, vont pousser, là, et ça va être accepté par les ingénieurs, l'ingénieur en chef Lallier et l'ingénieur en chef adjoint Gascon. Ils vont accepter que, justement, ben on fera pas juste là, des tunnels avec des corridors et des choses comme ça. On va avoir des belles stations avec des grands volumes, des voûtes et même des puits de lumière à certains endroits. On veut que ce métro-là, oui, se distingue dans le monde. Exact. Des revêtements de qualité un peu partout, différents d'une station à l'autre. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup de métro. Bon, on parle toujours de Moscou. Moscou, c'est un cas à part. Hors catégorie, Stockholm a commencé à le faire. Donc, les œuvres d'art, ça va venir un peu plus tard. Ouais. Mais oui, dès le départ, on a cette volonté très forte à la ville. Un tout petit mot sur une autre particularité dès le départ, le choix des pneumatiques. Pourquoi? Bien, on n'avait jamais construit, jamais exploité de métro à Montréal, donc c'était tout à fait normal de demander de l'aide, de demander l'expertise d'une autre ville. Encore une fois, la commission de transport, elle, ça n'aurait pas été très compliqué. On aurait demandé aux Américains, comme les Torontois l'avaient fait auparavant. Mais ça a donné que, bon, le maire et M. Saulnier sont allés à Paris, justement, pour examiner de plus près. En fait, c'est le maire qui, à l'époque, là, pensait encore que peut-être que Monorail serait l'idée. Ouais. Il changeait beaucoup là, d'idées, de parfois. Et donc, ils ont été visiter Monorail en France, dans la région de Paris, et c'était pas très concluant. Mais il y avait le métro de Paris, juste à côté. Et Métro de Paris, qui depuis quelques années, avec succès, exploitait donc sa ligne principale avec du matériel sur pneumatique. Mm-hmm. Alors, c'était la technologie la plus au point, la plus poussée à l'époque. Et les Montréalais, donc, se sont dit, ben pourquoi pas? Encore une fois, cette idée de la modernité, d'être à la fine pointe. Hein, c'est l'air du temps. Hein? Oui, bien, les dirigeants de la ville voulaient vraiment ce qu'il y avait de mieux là, pour, ouais, les Montréalais. Sur le plan urbanistique, développement urbain, transport durable, quelle est la vision dès le départ? On en parle dans un instant, Benoît Leroux, mais je vous propose d'abord cet extrait de l'émission Métro Magazine du 3 août 1961. Ça va vous faire sourire, vous allez entendre le ton, on est vraiment dans cette époque du début des années 60. Un billet éditorial d'Alfred Ayotte, du journal La Presse. Si ces rails souterrains doivent contribuer à dégager les rues de la métropole, il faudra que nombre d'automobilistes laissent leur voiture à une bouche du métro et qu'ils se rendent à leurs affaires dans un wagon roulant sous terre. Le voudront-ils? On peut prédire que les autorités municipales recourront à la fermeture de rues, au besoin, pour forcer les automobilistes à renoncer à l'usage de leur voiture. En effet, une chose est sûre, si les seuls piétons descendent sous terre, les rues de Montréal demeureront aussi encombrées qu'elles le sont maintenant. Il faudra toujours un service d'autobus en surface, et le nombre des autos n'a pas tendance à diminuer. Au contraire, à mesure que la population augmente et que les gens en acquièrent les moyens, les ventes d'automobiles s'accroissent. En conséquence, pour dégager les rues et assurer une circulation libre, sans embouteillage, sans encombrement, il faudra que les automobilistes manifestent de la bonne volonté et qu'ils remisent leurs voitures aux bouches de métro et qu'ils se rendent à leur travail par voie souterraine. Là seulement sera le salut. Cet extrait-là, il est intéressant, Benoît Leroux, parce qu'au fond, il nous ramène à la question fondamentale. Qu'est-ce qu'on attend de ce métro de Montréal? Pourquoi un métro à Montréal? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Oui, bien, tout à fait. Là, le chroniqueur là, annonce plusieurs points intéressants. Le métro de Montréal, c'est un métro urbain. Donc, il est vraiment conçu pour desservir les quartiers les plus densément peuplés. On n'a pas voulu construire un métro régional. Donc, on n'a pas fait là, de grands stationnements là, autour des stations de métro et tout ça. Oui, on veut bien sûr réduire la congestion automobile au centre-ville, mais je ne crois pas que personne ait pensé un jour qu'on allait éliminer cette circulation-là. En fait, c'est vraiment, vous le dites, mais au départ, l'idée, c'est que les gens puissent se déplacer à l'intérieur même de la ville et du centre de la ville. Finalement. Tout à fait, d'un point à l'autre. Et ça ne règle pas tous les problèmes, un métro, mais imaginez la ville de Montréal sans le métro aujourd'hui, et ça serait, la catastrophe. Je crois que même le chroniqueur ne pouvait imaginer à quel point, justement, l'automobile allait faire des ravages, là, mais il ne faut pas être trop méchant envers l'automobile. Évidemment, le métro, c'est le meilleur moyen de transport, mais ça coûte cher. Donc, on ne peut pas le construire partout. Le tracé, est-ce que assez vite, on en arrive au tracé, au premier tracé du métro? Oui, bien, ce tracé-là ressemble beaucoup aux anciennes lignes de tramway les plus achalandées. On n'a pas réinventé la roue. Par contre, on a eu quand même la bonne idée de construire sous des rues moins achalandées, avec moins de commerces, pour ne pas justement nuire à ces commerces-là durant les travaux. Alors, c'est pour ça qu'on va construire sous de Maisonneuve, qui en fait n'existait pas. Donc, ces trois rues qu'on a reliées ensemble, de Montigny, Burnside et Saint-Luc, donc pour faire le grand boulevard de Maisonneuve, et sous Berry au lieu de Saint-Denis. Ouais. Parce qu'effectivement, le chantier que ça va être, ce sera colossal. L'entrepreneur à date a creusé 900 pieds de tunnel, dont environ 500 pieds pour la station Jarry. Et les travaux progressent à quelle vitesse Présentement, les travaux progressent à raison de 25 à 30 pieds par jour d'excavation de tunnels. Le percement à l'heure actuelle, M. Lallier, se fait dans le roc solide, n'est-ce pas? Oui, dans un très bon roc, qui ne cause aucune difficulté. Et combien d'hommes, en ce moment, travaillent au percement du tunnel? Il y a environ 35 hommes qui travaillent au percement du tunnel proprement dit. À cela, il faut ajouter tous les autres employés qui sont employés à manipuler les pelles mécaniques, les camions, les pompes, les appareils de comprimer l'air, etc. Ce sera colossal, encore une fois, comme chantier, la construction du métro de Montréal, Benoît Leroux. À quoi ressemble Montréal pendant ces quelques années? Bien, heureusement, je dirais, ça se passe surtout sous terre. Donc, on n'a pas ouvert trop de rues à Montréal, contrairement à Toronto, où ça avait été construit justement là, avec la méthode là, où on creuse la rue, on bâtit à ciel ouvert et après ça, on referme. Donc, à Montréal, on va beaucoup avoir recours aux explosifs, donc pour creuser dans le roc. Et il faut dire que les ingénieurs, M. Lallier, mais surtout M. Gascon, l'ingénieur en chef adjoint, lui, venait du domaine des mines. Alors, ça ne faisait pas peur là, de construire. Et justement, vu qu'on a un métro sur pneus, ben le métro descend et sous terre, donc il peut aller assez profondément et il remonte plus facilement. Donc, il y a des images qu'on a tous vues, mais c'est dans certains points, je pense à la station Berry-UQAM, là, il y a vraiment un gros trou. Exact. Mais sinon, ça, c'est l'exception, finalement. C'est une belle image, mais effectivement, je dirais là, que, il y a quand même un peu partout en ville, des chantiers. Ouais. Je ne veux pas là, minimiser enlever l'importance, là, mais tout de même, ça va se faire d'une façon là, assez, je dirais pas cachée, là, mais ça va se faire là, sans trop là, d'impact là, sur la population. Et ce fameux métro de Montréal sera finalement inauguré le 14 octobre 1966. Monsieur René Lévesque, vous venez de prendre le métro, vous avez l'air tout réjoui. Oui, ben c'est la deuxième fois, puis c'est inouï de voir, même en 15 jours, à quel point ils ont fait un travail miraculeux pour finir de mettre ça au point. Il y a une quinzaine de jours, on avait fait une coupe de stations, y compris celle-ci. Maintenant, non seulement sur les derniers milles, mais dans les deux, trois dernières années, moi, comme Montréalais, je trouve ça invraisemblable. J'ai l'impression que tout le monde, je pense de plus en plus, on est tous au courant, tout le monde va être renversé de voir l'espèce de réjouissance inouïe qu'on ressent quand on se dit, ça fait 30 ans, 40 ans qu'il en était question, c'était sur le papier, et là, tout à coup, c'est vrai. C'est justement ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que ça représente comme symbole pour vous? Parce que ça représente comme symbole, c'est que le bon sens disait ça depuis des années et des années. Mais comme il arrive souvent, pour que le bon sens réalise, il a fallu que des hommes qui étaient décidés à le réaliser, comme Drapeau et Saunier, se mettent à la tâche, renversent certaines résistances, et puis aujourd'hui, on a le résultat. René Lévesque, député libéral à l'époque, le jour de l'inauguration du métro, le 14 octobre 1966, qui parle de réjouissance, de moments de réjouissance. J'entendais d'autres extraits qu'on ne peut pas tous diffuser, mais la fierté, elle était vraiment présente le jour de l'inauguration. Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour les Montréalais, l'inauguration de ce métro? Ben, ça représente, en fait, pour reprendre une expression de M. Lévesque, on est capable. Ouais. Parce que oui, il y a plein de gens qui disent « Ah, ça va coûter trop cher. Ah, c'est trop difficile. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. » Mais oui, on l'a fait, et non seulement on l'a fait, mais c'est le plus beau. Donc, et c'est un des plus rapides. Il est quand même aussi assez étendu. Là. Au début, il y a une bonne vingtaine de stations. Ce n'est pas rien. Et ça donne une stature, évidemment, voilà, à Montréal. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que comment les Montréalais vont réagir concrètement? On va le prendre beaucoup, le métro, au début? Bien, surtout la première fin de semaine, il y a presque un million de gens là, qui l'utilisent. L'Expo 67, oui, puis évidemment, c'est durant l'Expo qu'on va battre des records incroyables d'achalandage, au-dessus de 400 000 personnes par jour à la station Île-Sainte-Hélène à l'époque. Bon, il va y avoir un petit creux par la suite, mais avec les prolongements, avec l'arrivée de la carte mensuelle aussi, ouais. On en arrive maintenant, en fait, aujourd'hui, 250 millions d'entrées par année. C'est près de 10 milliards de personnes depuis l'ouverture en 66. Ça représente quoi dans l'histoire de Montréal, dans la grande histoire de Montréal, ça représente quoi cet épisode-là de la construction du métro? C'est un jalon important. Et on peut même se demander si certains événements, en fait, l'Expo, ça aurait été très difficile d'avoir l'Expo sans le métro. Le métro était déjà en chantier lorsqu'on a su qu'on allait avoir l'Expo, mais bon, on a ajouté la ligne jaune et le tour était joué. Les Jeux olympiques sans le métro, ça aurait été difficile. Et ça va être un des principaux prolongements, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui va coïncider avec le premier dans les Jeux olympiques de 1976. Mais ce réseau-là est tellement important et même si on le prend pour acquis, ça demeure une grande fierté pour tout le monde et on l'a vu récemment avec le 50e anniversaire, à quel point les gens aiment le métro malgré les petits tracas et comme moi et comme d'autres, on les vit et par contre, à la base, c'est quelque chose de merveilleux. On a dit que c'est le plus beau cadeau fait aux Montréalais et je pense que c'est tout à fait exact. En tout cas, merci de nous en avoir parlé avec autant de passion. Benoît Clairoux, historien, conseiller en affaires publiques pour la STM. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.